Je vais circuler dans un tunnel éclairé situé hors agglomération. Je suis tenu de faire usage des feux de croisement car malgré l'éclairage, la visibilité reste réduite. La signalisation en place rappelle d'ailleurs cette obligation. Les feux de position sont réservés à la circulation en agglomération. Les feux de route, quant à eux, ne doivent être utilisés que sur les chaussées dépourvues d'éclairage et lorsqu'ils n'occasionnent aucune gêne. Réponse C.